Au cours de cette triomphale inauguration du bonheur des dames, Madame Desforges, jalouse de l'intérêt que Mouret porte à Denise, s'est montrée exécrable envers elle, notamment pour un nouvel essayage de manteau. Le soir même, Mouret nomme Denise seconde au rayon des confections et cherche à la séduire avec la recette record de cette journée d'inauguration. Mais Denise refuse les avances de Mouret, d'autant que la vue de tout cet argent gagné en un seul jour la blesse, mais aussi parce qu'elle est bouleversée de sentir son propre cœur battre à se rompre. 3 mois plus tard, c'est jour d'inventaire au bonheur des dames. Alors que Denise gardait la chambre pour une entorse au pied, elle y reçoit le matin une lettre de Mouret qui l'invite à dîner le soir même. Après avoir fait part de cette lettre à son amie Pauline, Denise, comme c'est jour d'inventaire, tient à descendre travailler. Mouret, qui la cherchait, la retrouve seule dans une salle attenante au rayon des confections.